Bonjour ou bonsoir, c'est Christiane Charrette qui vous parle. Vous trouverez ici en balado-diffusion quelques extraits de notre émission d'aujourd'hui. En ce mercredi 17 mars, vous écoutez Christiane Charrette, mais sans Christiane Charrette, Bernard Fauché au microphone, très heureux de vous accueillir. Madame Charrette sera absente aujourd'hui. Elle s'en excuse, elle devrait être là demain. Au menu de l'émission aujourd'hui, on commencera cette émission avec Joyce Napier, correspondante de Radio-Canada à Washington. Beaucoup de sujets à discuter avec elle. Elle était au Chili il y a quelques jours pour couvrir les tremblements de terre qui ont secoué le sud du pays au cours des dernières semaine. Elle nous parlera également de la crise diplomatique majeure entre Israël et Washington en ce moment. Et on parlera également, c'est une semaine décisive à Washington pour la réforme de la santé de Barack Obama. Donc, on en parlera avec elle. Et puisqu'on parlera de réforme de la santé, on poursuivra avec Claude Castonguay. Claude Castonguay, qui a 80 ans, est encore très en forme. C'est lui qu'on considère comme le père de l'assurance maladie au Québec. Il avait rédigé en 2008, à la demande du gouvernement Charest, un rapport sur le financement du système de santé, un rapport qui a été assez largement ignoré par le gouvernement, semble-t-il. Et hier, dans les journaux, M. Castonguay publiait une lettre ouverte dans laquelle il ramenait quelques-unes des idées qu'il avait véhiculées dans son rapport, des idées qui sont peut-être plus pertinentes que jamais. On en parlera avec lui. Et puis, on terminera cette première heure avec Cyril Béraud et Louis Martin. Ce sont deux hommes qui s'intéressent au logiciel libre. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Si je vous dis Linux, par exemple, ou OpenOffice, ça devrait sonner quelques cloches chez vous. Ce sont des logiciels qu'on peut télécharger gratuitement et qui nous permettent d'économiser des centaines de dollars qu'on ne paie pas en droit sur des logiciels traditionnels et réguliers qu'on nous vend à gros prix. Et donc, il y a une bataille qui se tient en ce moment dans la ville de Québec. Cyril Béraud, qui est PDG de Savoir-faire Linux, poursuit le gouvernement du Québec qui a attribué un important contrat informatique sans appel d'offres et lui soutient qu'il aurait pu faire le même travail pour beaucoup moins cher. Donc, il sera là pour nous parler de la bataille qu'il a entrepris contre le gouvernement et contre Microsoft. Il sera accompagné d'un professeur d'informatique à l'UQAM, Louis Martin. C'est un procès qui est très suivi un peu partout dans le monde parce que c'est peut-être le scénario de David contre Goliath qui se répète. Et donc, on verra un peu les enjeux qui sont en cause dans ce procès. Et puis, en deuxième heure, on ouvrira bien sûr avec nos collaborateurs Charles Théoret et Bruno Guglielminetti pour le concours Séjour à Berlin dans le cadre du concours du combat des livres qui commencera la semaine prochaine. Donc, on aura une nouvelle question à vous poser aujourd'hui pour vous permettre de participer à ce concours. Et puis, on accueillera avec grand, grand, grand plaisir tout de suite après Rufus Wainwright. Rufus Wainwright qui vient de lancer son 6e disque. Il le lancera également dans quelques semaines à Toronto, l'opéra francophone Prima Donna qu'il a écrit en bonne partie pendant qu'il était au chevet de sa mère Martha qui est décédée, comme vous le savez, il y a quelques semaines. Et puis, il entreprend en avril une tournée en Angleterre. Donc, on parlera de toutes ces nouveautés avec Rufus Wainwright, qui sera également en performance en studio pendant l'émission. Et puis, on terminera l'entrevue, l'émission d'aujourd'hui avec Nicolas Dickner. C'est l'auteur du livre Nikolsky, enfin, un des nombreux livres qu'il a écrit. Et vous le savez peut-être, ce livre, qui a été publié quand même en 2005, a fait l'objet de l'équivalent au Canada anglais du combat des livres. Ça s'appelle Canada Reads. Ça s'est terminé vendredi dernier. Et c'est Nicolas Dickner qui en est sorti grand gagnant avec tous les honneurs. Il était défendu par l'écrivain et chroniqueur littéraire Michel Vézina qui l'accompagnera. Et tous les deux seront également accompagnés du traducteur du livre, celui qui a pris le livre original de Nicolas Dickner et qui l'a traduit en anglais. On dit que d'avoir gagné Canada Reads, ça assure son auteur d'un grand succès de librairie au Canada anglais. Donc, on parlera avec Nicolas Dickner de tout ça. Mais donc, pour commencer cette émission d'aujourd'hui avec Joyce Napier, quelques notes de musique en attendant de rejoindre Joyce Napier en direct de Washington. Joyce Napier à Washington. Bonjour, Joyce. Bonjour, Bernard. Comment allez-vous? Ben, ça va très, très bien. Oui. La terre a tremblé au Chili il y a quelques jours. Vous y étiez, mais on a l'impression que la terre tremble un peu aussi à Washington ces jours-ci, hein? Ben, écoutez, nous, c'est la terre politique plutôt qui tremble. Et au Chili, c'est réel. C'est la terre qui tremble. Mais c'est pas une image. Non, c'est pas une image. Et on comprend un petit peu mieux. Hein. Remarquez, nous, on n'a pas vécu le gros tremblement de terre. On a vécu les répliques et les secousses qui ont suivi et qui n'en finissaient plus. Mais on commençait à comprendre vers la fin comment les gens ont les nerfs à vif parce qu'ils ont en mémoire, bien entendu, ce qu'ils ont vécu cette nuit qui était quand même horrible. Et ils vivent tous les jours des dizaines, des douzaines parfois de répliques. Et je vous avoue que ça joue avec votre système nerveux. Mais vous, vous êtes arrivé après le premier gros séisme, mais vous étiez là quand il y a eu une des secousses importantes. Vous l'avez ressenti. Ah oui, oui, on l'a ressenti, l'équipe l'a ressenti. Et vous savez, j'en ai parlé également avec des collègues qui étaient en Haïti après. Et en Haïti, c'était un peu la même chose. Ils ressentaient régulièrement des répliques. Ils les vivaient. Et quand on revient dans un endroit où il n'y a pas de séisme, on a l'impression de les sentir encore. Vous savez, comme quand vous avez séjourné sur un bateau, quand vous descendez, vous avez toujours l'impression que la terre bouge. Ben c'est un peu cette impression-là. Pendant quelques jours, on a encore l'impression que la terre bouge. Mais est-ce que vous n'avez pas eu le sentiment aussi, Joyce, qu'il y a une part d'innocence qui est perdue? C'est-à-dire que le premier tremblement de terre, personne ne l'avait vu venir, donc on ne peut pas l'appréhender. Mais à partir du moment où il y a eu un premier tremblement de terre, on sait qu'il y aura des secousses. En tout cas, généralement, il y en a. Et là, on doit vivre toujours dans la crainte qu'une nouvelle secousse arrive. C'est plus innocent. On ne vit plus dans la même innocence. Est-ce que je me trompe? Ah, pas du tout, pas du tout. Et d'ailleurs, quand on est arrivé, les gens nous disaient « Ah, voyez, vous l'avez senti, vous l'avez senti. » Et au début, on ne les sentait pas. Parce que je pense que c'est imprégné dans la mémoire d'un individu qui l'a vécu. Nous, on ne l'avait pas vécu. Et c'est quand on a commencé à vivre des secousses un peu plus importantes, des 6,8, des répliques qui étaient bien évidentes. Au début, on ne sait pas ce que c'est. On pense que c'est un gros camion qui passe. Ensuite, on dit « c'est long, le camion ». Et là, on se rend compte que c'est les murs, c'est la télévision, c'est les voitures qui bougent, c'est tout qui bouge. Là, on se rend compte qu'on les vit. Et oui, après, on vit dans l'inquiétude parce que, vous savez, on se demande, les immeubles, les bâtiments qui ont vécu la première secousse, puis la deuxième, puis la trentième, combien de secousses encore ? Est-ce qu'elles vont résister, ces structures, à d'autres secousses ? Est-ce que je vais être à l'intérieur lorsqu'elles ne résisteront plus ? Et ils se posent tous la même question. Et ça doit être très énervant parce qu'ils vivent justement toujours sur cette corde raide en se demandant si effectivement ils vont finir par être évacués. Et d'ailleurs, c'est ce qui arrive de plus en plus. Tous les jours, il y avait, quand on était là, à Concepción, des inspecteurs de la ville qui passaient, qui disaient aux gens « Bon, ça y est, votre immeuble est condamné, prenez vos affaires et quittez les lieux. » Comme ça, pouf. Et tous les jours, il y avait des centaines, des milliers de déplacés, de sans-abri. Et c'est ça la réalité. Et quand ça continue, bien ça en fait de plus en plus. Ouais. Je n'étais pas en Haïti, vous non plus, Joyce, mais à voir les images à la télévision, on a quand même l'impression que c'est un peu moins grave au Chili, que la vie reprend ses droits un peu plus rapidement qu'en Haïti. Est-ce que c'est une fausse perception? Ah, tout à fait. Non, c'est Bernard, c'est la réalité. Je veux dire, en Haïti, ça a été un drame humain, je veux dire, sans précédent. Oui, au Chili, la secousse était plus violente qu'en Haïti. Mais vous savez, le Chili est un pays qui a été, si vous voulez, construit avec l'idée qu'il y a des séismes et que les bâtiments doivent être construits en conséquence. Donc, ils ont une infrastructure qui a été construite en conséquence. Bien sûr, ça ne veut pas dire que les routes et les bâtiments n'étaient pas démolis, mais c'était pas là du tout la même ampleur qu'Haïti. Le drame humain n'était pas du tout le même, mais ça, c'est quand même un problème humanitaire quand vous avez 2 millions de déplacés dans un pays. Même un pays comme le Chili qui est prêt, et au début, la présidente sortante disait à la communauté internationale « Merci beaucoup, j'ai pas besoin d'aide ». Elle a été critiquée pour ça parce que justement la réaction du gouvernement chilien a été trop lente parce que le territoire était énorme, le territoire affecté était très grand. Ouais. Et on a peu de temps, Joyce. On pourrait parler du Chili encore longtemps, mais je voudrais qu'on parle comment on peut dire, en tout cas, de ce froid dans les relations entre les États-Unis et Israël. On peut parler de froid, hein? On peut parler de tension et de froid, mais vous savez, déjà, hier, Hillary Clinton faisait un peu marche arrière. Là, ça y est, on commence à employer des termes un peu plus gentils, des termes diplomatiques plus chaleureux, si ouais. C'est possible. Elle a rassuré Israël en disant que les deux pays conserveraient quand même de bonnes relations, là. Ah, d'excellentes relations et que... Ce qui est en cause dans ce froid entre les deux pays, c'est cette décision d'Israël de poursuivre ses colonies de peuplement en territoire palestinien, non? Écoutez, non, c'est pas ça le froid, ça c'est de l'hypocrisie de la part de Washington. Washington a toujours, vous savez, a toujours fait la sourde oreille. La colonisation des territoires occupés, c'est une vieille histoire et c'est un des obstacles justement à la paix. Ce qui est arrivé, c'est qu'ils l'ont fait et ils l'ont annoncé pendant la visite de Joe Biden. Si le vice-président américain n'avait pas été en Israël lorsque le ministre de l'Intérieur a annoncé fier qu'on ajoutait 1600 logements de plus dans une colonie juive à Jérusalem-Est, les États-Unis auraient fait la sourde oreille comme ils font depuis le début. C'est plutôt la communauté européenne et d'autres pays arabes qui se soulèvent lorsqu'il y a des annonces comme celle-ci. Les États-Unis, cette fois, ils l'ont eu, vous savez, ils l'ont eu en pleine face. Et c'est là où les Américains se sont fâchés. C'était vraiment une gaffe diplomatique plus qu'une gaffe politique, puisque la politique d'Israël est bien connue ici à Washington. Mais donc, si je comprends bien, ce qui a froissé Washington, c'est que cette annonce soit faite pendant le séjour de Joe Biden. On l'aurait fait avant ou après, ça n'aurait pas eu le même impact. Tout à fait. Mais sur le fond, c'est la même décision. Si, sur le fond, c'est la même décision, mais vous savez, c'est pas la première décision. Moi, je me souviens, il y a plusieurs années, quand c'était Ehud Barak qui était le premier ministre travailliste israélien, il avait annoncé un gel, justement, de la construction des colonies juives en Cisjordanie, donc en territoire occupé. Et je me rappelle, j'avais fait un plateau dans une de ces colonies où la construction continuait de plus belle. Alors lui, il était à Jérusalem, en train d'annoncer le gel, et nous étions dans une colonie juive en Cisjordanie, où la construction, ma foi, n'avait pas arrêté du tout. Mais donc, c'est un peu le même scénario, mais Israël savait ce qu'il faisait en faisant cette annonce-là pendant la visite de Joe Biden. Et vous savez, moi je pense qu'ils n'ont pas nécessairement fait exprès parce que, bon, ça a soulevé de la poussière, ça a irrité la Maison-Blanche. Et bon, Israël ne veut pas irriter la Maison-Blanche. Vous savez, ça ne s'était pas produit depuis George Bush père. George Bush père avait eu un petit peu, si vous voulez... Il s'était fâché avec les Israéliens justement à cause de la construction de... c'était le même scénario un petit peu. Et ils avaient même menacé de geler les crédits que Washington envoie à Israël chaque année. Et cette menace n'avait pas duré longtemps parce que vous savez, il y a un lobby très puissant ici. Il y a des pressions très fortes sur la Maison-Blanche qui ont d'ailleurs été exercées cette fois aussi. Et bon, ça y est, les relations sont un peu plus chaleureuses soudainement au bout d'une semaine. C'est vrai qu'en Israël, on disait « Oh, les Américains vont oublier bientôt que cette gifle qu'on l'ait annoncée quand le vice-président était là, bon, on s'excuse, mais on ne s'excuse pas de notre politique. Ouais. » Mais qu'est-ce que c'était le but de faire l'annonce à ce moment-là? Comme je vous dis, il n'y a rien d'innocent dans tout ça. Là, Washington et Israël se connaissent depuis assez longtemps pour connaître les susceptibilités de l'un et de l'autre. Vous savez, moi, je me dis que le ministre de l'Intérieur, c'est un gouvernement de coalition, toujours, en Israël. Est-ce que le ministre de l'Intérieur voulait embêter le Premier ministre? C'est pas le même parti. Le ministre de l'Intérieur, c'est le parti chasse, donc un parti religieux. Est-ce qu'il voulait lui envoyer un message? Vous savez, j'ai du mal à croire qu'on ait voulu, en Israël, provoquer Washington. La politique, en fait, Joe Biden était arrivé en Israël parce qu'il y avait eu des plaintes de la part de la communauté juive et d'Israël que, bon, Barack Obama s'était adressé aux musulmans, il était allé au Caire, il avait tendu la main, justement, aux musulmans et aux arabes, et ne l'avait pas fait pour Israël. Donc, en fait, Joe Biden était allé en Israël pour réparer un peu, si vous voulez, les pots cassés diplomatiques, et puis paf! Alors c'est ça qui a irrité davantage et la Maison-Blanche et le département d'État. C'était comme, bon, écoutez, vous auriez pu attendre 5 minutes au lieu de nous faire perdre la face, parce que c'est ça qui est arrivé. Joe Biden est arrivé en Israël et il a en leur tendant la main, en disant que on est vos amis, et là il s'est fait gifler. Ouais. En terminant, Joyce, c'est une semaine cruciale pour la réforme de la santé aux États-Unis. Passera pas? Bonne question. C'est la question à 10 millions de dollars. On peut commencer un pool. Est-ce qu'elle passera d'abord? Est-ce qu'il y aura même un vote? Parce que vous savez, il y a une manœuvre parlementaire qui existe ici aux États-Unis qui permettrait aux démocrates majoritaires de faire passer ce projet de loi sans avoir à revoter, parce que c'est un processus qui est très long et très compliqué. D'abord, ça passe à la Chambre des représentants, ensuite ça passe au Sénat, ensuite ça doit revenir, revoter. Il y a une réconciliation où on met en commun les deux projets de loi. C'est très compliqué, mais là, tout d'un coup, on apprend qu'on pourrait passer ce projet de loi, l'adopter sans avoir à revoter. Alors là, c'est une levée de bouclier de la part des Républicains qui ont utilisé cette manœuvre eux aussi, mais quand c'est les autres qui l'utilisent, ils crient au scandale. Vous voyez le genre, la bisbille politique continue. Alors, est-ce que ça passera cette semaine? Je ne sais pas, je ne pourrais pas vous dire. Peut-être vendredi, peut-être samedi, peut-être pas. Et la bataille continue à se jouer dans les médias. On avait vu l'été dernier les opposants à la réforme de la santé utiliser des Canadiens pour dire que le système canadien, finalement, ne fonctionnait pas si bien. Et là, si j'ai bien compris, j'ai vu une publicité il y a quelques jours où là, ce sont les partisans de la réforme qui ont ressorti une malade du cancer qui s'est vue refuser ses assurances parce qu'elle était cancéreuse. Effectivement, et ça, c'était non seulement les médias qui l'avaient sorti, c'était la Maison Blanche qui avait trouvé l'exemple parfait, Bernard, qui pouvait incarner justement ce besoin de réforme, ce besoin de changer le système américain qui discrimine contre ceux qui sont malades. C'est un contresens total. Vous êtes malade, vous avez une assurance privée, bon, tout d'un coup l'assureur dit, bon là ça y est, vous êtes trop malade, on ne vous assure plus. Et ça arrive régulièrement ici aux États-Unis. C'est l'exemple qu'avait trouvé la Maison Blanche. C'est une femme qui avait écrit elle-même à Barack Obama, et il était en Ohio et s'était dit, ben tiens, je l'ai mon exemple, et je vais la montrer aux Américains pour leur dire, écoutez, ça pourrait être vous. Cette femme pourrait être vous. Si vous tombez malade, à Dieu ne plaise, si vous tombez malade un jour, ça pourrait vous arriver. Et qu'est-ce que ça a provoqué comme réaction, cette publicité? Ça a dû ébranler un peu les opposants au régime, non? Oui, mais vous savez, c'est une guerre de mots des deux côtés. Alors, d'un côté, oui, vous avez la Maison-Blanche qui trouve des exemples comme celui-là. Nous, on en avait trouvé aussi dans des reportages, des gens qui avaient dû déclarer faillite parce que leur facture médicale était bien trop élevée. Mais vous savez, il y a également de l'autre côté la campagne de peur qui se joue maintenant de la part des conservateurs et des anti-réformes. Elle est très, très efficace, Bernard. Quand on dit c'est votre grand-mère qui va y passer parce qu'il va falloir faire des choix. Hein. Quand c'est un système public, il faut faire des choix. Donc forcément, c'est les personnes âgées qu'on va refuser de soigner. C'est un peu absurde, mais vous savez, c'est quelque chose qui touche une corde sensible. Ouais. Est-ce qu'on a des doutes sur l'adoption de la réforme? Ça passera éventuellement? Oui, ça passera éventuellement, mais de c'est quoi la prédiction qu'elle va manger le week-end? C'est ça, on ne sait pas. Ouais. De quoi on ne connaît pas, vous savez, le texte final. Il y a eu tellement d'amendements, de changements, de compromis qui ont été faits depuis le début de ce grand débat national qu'on ne sait plus, en fait, les détails. On ne connaît plus les détails de cette loi et on ne sait pas ce qu'elle va, en bout de ligne, contenir. Mais on suivra tout ça avec grand intérêt, Joyce Napier. Au revoir. Merci beaucoup d'avoir été là, Joyce Napier, correspondante de Radio-Canada Washington. Et donc, de la réforme de la santé aux États-Unis à la réforme du système de santé au Québec et au Canada, il n'y a qu'un pas que nous allons franchir dans quelques secondes avec Claude Castonguay. Castonguay, bonjour. Bonjour. Claude Castonguay, que l'on nomme le père de l'assurance maladie au Québec. Et j'imagine que vous devez suivre, Claude Castonguay, avec beaucoup d'intérêt, tout le débat aux États-Unis autour de la réforme du système de santé. Vous qui avez institué le système de santé gratuit, universel et étatique au début des années 70, j'imagine que vous n'avez pas perdu d'intérêt pour cette question-là, visiblement. Pas du tout, en effet. Et évidemment, j'ai suivi au cours de la dernière année tout le débat aux États-Unis, d'assez près, en fait. Et je dois dire que je suis un peu surpris de l'approche qui a été prise et aussi de l'évolution là, du débat. Là. Ça me paraît de plus en plus difficile de comprendre les Américains sur ce plan-là. Qu'est-ce qui vous dites je suis avec intérêt, je suis pas toujours sûr des orientations qu'ils prennent. Qu'est-ce qu'ils font et qu'ils ne devraient pas faire, à votre avis? Bien, une des choses, moi, qui m'a semblé intéressante dans l'approche qui avait été prise ici au Canada, c'est au lieu d'essayer d'établir un tel système à l'échelle du pays, avec toutes ses différences, avec toutes ses caractéristiques régionales, aux États-Unis, un pays encore plus complexe, on a essayé d'introduire le système pour l'ensemble du pays. Il me semble, moi, qu'on aurait dû s'appuyer sur les États, aider les États avec des moyens financiers à introduire chacun à leur tour, selon leurs caractéristiques, l'assurance maladie. On sait que des États comme le Massachusetts ont déjà un programme, un autre État aurait pu prendre une approche différente, et graduellement, l'assurance maladie aurait été implantée. On a pris une approche globale. Ça, il me semble qu'au plan de la stratégie initiale, on a manqué. La deuxième des choses... Je vous arrête là-dessus, puis on viendra à votre deuxième point. Mais si on avait laissé la responsabilité de la santé entre les mains des États, est-ce qu'on n'aurait pas risqué de se retrouver avec un système très disproportionné d'un État à l'autre? Avec l'aide fédérale, évidemment, cette approche-là, le fédéral, le gouvernement américain, aurait offert aux États de partager, comme c'était le cas ici au Canada, de partager dans les coûts, de telle sorte que les États qui ont moins de ressources auraient eu une aide financière leur permettant, eux aussi, d'introduire l'assurance maladie. Une espèce de système de péréquation comme on a au Canada. Et comme ça a été fait au Canada. Donc, les mêmes politiques partout, mais appliquées et menées par les États. C'est ce que vous auriez aimé voir. C'est ça. De toute façon, on n'a pas pris cette approche-là. La deuxième des choses, c'est clair que le gouvernement de M. Obama n'a pas osé se lancer dans cette voie-là, mais au lieu d'avoir un système vraiment public, avec un payeur unique, là, comme on dit, ici et en Europe, il a choisi d'aider les gens financièrement, ceux qui ne sont pas assurés, ceux qui ont des faibles revenus, les aider à s'assurer auprès des entreprises privées. Alors ça veut dire qu'il devient extrêmement difficile de gérer un peu mieux le système de santé qui, aux États-Unis, coûte une fortune par rapport au Canada et par rapport à tous les pays européens. Ça, c'était un choix aussi. Évidemment, je pense que c'était un choix réaliste pris par Obama, parce que là, la levée de bouclier a été encore plus grande qu'elle ne l'est présentement. Et la politique étant l'art du possible, c'est probablement le seul compromis qui était possible en ce moment. Ça, je le comprends. Mais à partir de ce moment-là, Obama et compagnie ont pris la décision, en plus d'assurer les individus, d'offrir au moins de les assurer par une régie publique, ce qui aurait donné un certain contrôle sur le système. Même ça, si je comprends bien, ils ont été obligés de laisser tomber. Est-ce que ça indique une faiblesse d'Obama au plan législatif comme leader? Je ne le sais pas. Mais vous savez comme moi que bien des gens se questionnent maintenant. Obama, on l'a vu, un politicien extraordinaire lors de la campagne présidentielle, mais on se demande encore si c'est un véritable leader au moment où il est engagé dans l'action. Et moi, ma crainte, c'est qu'ils vont probablement avoir Ils vont réussir à faire passer un projet de loi quelconque, là. Mais ce projet de loi a été tellement dilué, tellement l'objet de compromis, que l'administration américaine va se retrouver avec des coûts faramineux, encore plus élevés que ceux qu'ils connaissent présentement. Et ça, dans un contexte où les finances publiques américaines sont dans un état désastreux. Ouais. Alors, la question n'est pas tellement de savoir est-ce qu'il va y avoir une loi. Je crois que oui. Mais la question, à un petit peu plus long terme, c'est de savoir qu'est-ce qui va arriver avec ce projet-là. Ça, j'ai des gros doutes. Ouais. Et la difficulté, c'est qu'une fois que le projet est adopté, on peut toujours se dire théoriquement, on va l'améliorer, on va le modifier en cours de route. Mais vous le savez, pour avoir mis en place le système d'assurance maladie au Québec, c'est pas si facile de modifier un projet de loi une fois qu'il a été adopté, une fois que la réforme a été mise en place, presque 40 ans après. On cherche encore comment on peut rénover le régime de santé au Québec. Écoutez, au Québec, les réponses sont là. On sait ce qui devrait être fait. Pas mal tout le monde le sait. C'est la volonté politique qui manque. Mais pourquoi elle n'est pas là, la volonté politique? Comment vous expliquez qu'il y a une espèce d'unanimité, ou en tout cas un consensus très large? On le voit dans les sondages, on le voit dans les tribunes où les citoyens s'expriment. Il y a une volonté de modifier les choses et de les modifier en profondeur, de régler les problèmes de fond. On a l'impression qu'on règle des crises. Il y a une crise qui survient et là, hop, tout à coup, on trouve une solution. Hop, tout à coup, on trouve des budgets, mais pourquoi il faut des crises pour régler le problème et pourquoi on ne peut pas le régler à la base? La raison, selon moi, c'est que ceux qui se sont aventurés sur le terrain de changement là, au plan politique dans le domaine de la santé se sont rendus compte que c'est très émotif, c'est très sensible et que les attaques pour les partis d'opposition et pour les groupes d'intérêt sont assez faciles. On invoque immédiatement le système à deux vitesses, on démonise tout ce qui est privé, et là, ben les gens se demandent vers quoi on devrait aller. Alors, les partis politiques ont eu beaucoup de craintes, n'ont pas osé vraiment s'aventurer sur ce terrain-là, et on a attendu chaque fois qu'il y a des crises pour agir. Souvenez-vous de 95, le déficit zéro, du temps là, de Lucien Bouchard. Fallait agir, les coûts en santé montaient trop rapidement. On a pris en catastrophe des décisions qui ont été très mauvaises et dont les effets ont été très prolongés. Ouais, vous parlez de la mise à la retraite des médecins, des infirmières. Et on dirait que depuis ce temps-là, la crainte de s'engager sur le terrain des changements est encore plus grande. C'est la seule explication que je peux voir avec le fait que la santé s'est devenue un ensemble de groupes d'intérêts. Et dès que vous essayez de changer quelque chose, vous touchez fatalement un groupe. Et là, immédiatement, vous entendez les réactions. Et on dirait que le gouvernement n'est pas en mesure de faire face à ces choses-là, n'a pas la volonté de le faire. Mais comment vous expliquez, qu'est-ce qui, dans la situation actuelle, parce que, bon, on l'entend, on le lit à tous les jours, les urgences qui débordent, pénurie de personnel, mais en même temps, le problème n'a pas l'air uniforme partout. Il y a des hôpitaux où ça marche bien, il y a des hôpitaux où ça marche moins bien. Alors, c'est le même système, le même pays, le même financier. Comment vous expliquez que dans certains hôpitaux, ça marche bien et pas dans d'autres? Bien, évidemment, ça, c'est une autre des choses. Il n'y a aucun système d'évaluation de la performance dans la santé, comme c'est le cas dans d'autres domaines. Au Québec, on n'aime pas être évalué. Alors, tous les hôpitaux, au plan de leur financement, au plan des règlements qui s'y appliquent, au plan de la marge de manœuvre qu'on leur laisse, sont traités sur le même pied comme s'ils étaient tous aussi efficaces les uns que les autres. Alors ça, c'est une première des choses. Ça n'est pas le cas. C'est clair qu'il y en a qui sont plus efficaces que d'autres. On devrait, en plus, leur donner beaucoup plus de latitude dans leur gestion. Si vous regardez les conventions collectives, la réglementation, le ministère, les agences qui veulent tout décider pour les hôpitaux, il leur reste très peu de marge de manœuvre. Et c'est seulement dans les hôpitaux, dans certains hôpitaux, qui ont plus de dynamisme que les autres, qui ont plus d'appui dans leur communauté, qu'on réussit à se distinguer. Moi, c'est comme ça que je l'explique. Alors, c'est vrai, mais il reste que le fait que certains hôpitaux se gèrent mieux que d'autres, ça n'explique pas non plus toutes sortes d'autres problèmes, comme l'accès des super infirmières, par exemple, à la pratique, comme le développement des soins de première ligne, comme le fait que le gouvernement veut tout centraliser à l'intérieur des hôpitaux au lieu de laisser des cliniques spécialisées se développer. Ce sont toutes des décisions qui échappent aux hôpitaux. Alors, c'est vrai qu'il y a certains hôpitaux qui se gèrent mieux que d'autres, mais il y a des problèmes de système, et c'est ceux-là qui sont les plus importants. Mais donc, vous dites des problèmes de système, ce qui veut dire que le principal problème, c'est peut-être pas un problème de financement, c'est peut-être un problème d'organisation. Si avec les mêmes budgets, les mêmes règles, les mêmes conventions collectives, certains s'en tirent bien et d'autres moins bien, ça veut dire que c'est peut-être plus un problème d'organisation du travail. OK. Alors, si vous me permettez, moi, il y a 3-4 idées là, qui m'apparaissent capitales sur ce plan-là. D'abord, la population est inquiète. Pour rassurer la population, il me semble qu'il faudra qu'on sache clairement vers quoi le gouvernement veut aller. Mm-hmm. Un énoncé clair de politique. Qui pourrait ressembler à quoi? Qui pourrait dire quoi, par exemple? On ne peut pas tout faire en même temps. Moi, je l'ai fait quand j'étais ministre de la Santé. Chaque année, on indiquait 3, 4, 5 grandes priorités. Et les autres choses qui nous étaient présentées, nous disions, on en est conscient, mais on ne peut pas tout régler en même temps, pour éviter d'aller d'une crise à l'autre constamment. Alors, un tel projet pourrait dire, nous, cette année, là, c'est la formation, c'est le fait de l'organisation du travail, c'est alléger les structures du ministère et des agences. Développer les soins à domicile. Développer les soins à domicile. Et ça, ce sont nos priorités cette année. On se donne des objectifs. À la fin de l'année, on mesure. Est-ce qu'on a atteint nos objectifs, oui ou non? Et voilà nos priorités pour l'année suivante. C'est un peu comme ça qu'on gère toutes les entreprises, qu'elles soient dans le domaine public ou privé, ou dans le monde de l'éducation, etc. C'est un peu comme ça qu'on gère nos vies aussi. On se fixe des objectifs, ça, on essaie de les atteindre. La première des choses, que la population reprenne confiance, que l'on sache que le gouvernement s'en va dans une direction qui apparaît acceptable et que l'on soulève pas tous les petits problèmes qui se posent entre-temps. La deuxième des choses, c'est qu'on a des structures beaucoup, beaucoup trop lourdes. Juste pour le ministère, les agences et la régie de l'assurance maladie, vous savez que ça nous coûte plus de 500 millions pour administrer le système de santé. Il n'y a pas un sou de ça là, qui va au service des patients. 500 millions par année, sans compter ce qu'il y a dans les hôpitaux. On pourrait alléger ça énormément et là, réallouer des ressources vers les infirmières, vers les soins à domicile, etc. L'autre chose, c'est le système de financement. Le système de financement, il est fait de telle sorte que si les hôpitaux fonctionnent trop bien, font des économies, ils risquent de faire couper leur budget l'année suivante. Ouais. Il y a de nouveaux modes de financement qui sont reconnus, qui sont appliqués non seulement dans les pays de l'OCDE, mais on commence à les appliquer dans d'autres provinces. L'argent suit le patient. On paye pour les soins rendus et non pas juste pour des actes médicaux. Parce qu'aujourd'hui, le donner des soins, c'est pas juste un acte médical. Il y a des infirmières, il y a de l'équipement, il y a du personnel administratif, etc. Ça, c'est la troisième des choses. L'évaluation, j'en ai dit un mot tantôt. Le dossier patient informatisé, c'en est un autre, ça, où on a pris l'approche toujours, ça, c'est québécois, semble-t-il, de vouloir faire le grand, grand, grand projet au lieu d'informatiser les cabinets de médecins, les hôpitaux, et après ça, les relier entre eux. On a pris l'autre approche. L'organisation du travail, donner vraiment des encouragements de toutes sortes aux hôpitaux pour mieux organiser leur travail et s'ils réussissent, qu'ils y trouvent une certaine récompense qu'on leur laisse plus de marge de manœuvre, qu'on leur donne peut-être des fonds un peu plus grands ou des nouvelles responsabilités. Qu'on ne pénalise pas la bonne gestion. Mais oui. Alors, ce sont toutes des choses, ça, qui touchent au système de santé et qui sont c'est une approche totalement différente de celle que l'on constate où on réagit selon qu'il y a des crises ou des centres. Ben oui, selon les urgences. Vous avez publié une lettre dans les journaux hier où vous avez rappelé quelques-unes des recommandations qu'il y avait dans votre rapport en 2008, rapport qui avait été commandé par le gouvernement Charest pour se pencher sur le financement des soins de santé. Bon, vous aviez à l'époque ressorti l'histoire d'un ticket modérateur, d'augmenter la TVQ d'un demi-point. Avez-vous l'impression aujourd'hui que le gouvernement va être plus réceptif à ces idées-là qu'il ne l'était en 2008? Écoutez, d'abord, j'aimerais faire juste une petite précision. Ça n'était pas un ticket modérateur qu'on a recommandé. Ce qu'on a appelé le T4 Santé ou une franchise. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'au lieu que la personne soit appelée à payer au moment où elle reçoit les soins, il n'est pas question de ça. C'était plutôt ce que nous recommandions de faire une charge, déclarer un bénéfice imposable pour les soins reçus, certains soins médicaux reçus. Et là, les personnes qui ont des revenus imposables auraient à payer un montant. Ceux qui ont des revenus plus faibles et qui ne paient pas d'impôts n'auraient pas eu rien à payer. Et il y aurait eu un maximum d'imposés. Donc, ça ne pénalise pas les plus pauvres. Ben non, c'est une formule qui n'empêche pas l'accès immédiat aux soins. Est-ce que ça existe ailleurs? Est-ce que ça marche? C'est une formule qui a été examinée et qu'on est en train d'expérimenter, si ma mémoire est bonne, en Alberta. Je l'ai exposé, moi, au sein du gouvernement québécois. Je vous dirai pas à qui au sein du gouvernement, mais on la trouvait bonne, cette idée-là, avant la publication de notre rapport. Mais quand on a publié notre rapport, c'était un gouvernement minoritaire. Le gouvernement a décidé qu'il n'y aurait pas d'augmentation de taxes ou d'impôts. Et tout ça a été mis de côté. Peu de temps après, on apprenait que le gouvernement va augmenter la TVQ de 1 % alors que nous avions proposé un demi de 1 %. Ouais. Ben, donc, finalement, il y a certaines de vos idées qui vont peut-être finalement être retenues. Ben, je l'espère, sauf que je ne peux pas répondre à votre question parce que je ne suis pas dans le secret des dieux. Claude Castonguay, père de la Castonguette, c'est quand même pas rien avoir donné son nom à un objet. Vous avez été ministre de la Santé pendant 3 ans et ça vous suit encore, presque 40 ans après. Oui, il faut dire que je m'étais préparé par la présidence d'une commission d'enquête et j'ai eu la chance de recruter une excellente équipe, d'avoir l'appui aussi du gouvernement, du premier ministre. C'est ça, c'est important. Ouais. Parce qu'on a vécu certains moments difficiles. La grève des médecins spécialistes en pleine crise d'octobre et malgré tout, le premier ministre m'a maintenu sa confiance. Et c'est comme ça qu'on est passé en travers. Bien. Alors, évidemment, j'en suis fier et c'est ce qui me fait tellement de peine de voir ce qui se produit aujourd'hui. On suit avec beaucoup d'intérêt vos commentaires, vos observations sur le secteur de la santé. Merci beaucoup, Claude Castonguay. Merci de m'avoir reçu. Bonne journée. Il y a un procès qui se tient en ce moment à Québec et qui intéresse beaucoup de monde à travers la planète. En tout cas, sur la planète techno, il y a sans doute beaucoup de gens qui suivent ce procès. C'est celui qui a été intenté par l'entreprise Savoir-faire Linux, qui est une entreprise de services informatiques de Québec, qui est spécialisée en logiciels libres. Et donc, l'entreprise a entamé des poursuites contre le gouvernement et contre Microsoft parce que, dit le président de Savoir-faire Linux, le gouvernement a lancé un appel d'offres, a attribué un contrat, c'est-à-dire a attribué un contrat sans appel d'offres, un appel d'offres auquel aurait pu participer Savoir-faire Linux et qui aurait permis de faire économiser beaucoup d'argent au gouvernement du Québec, semble-t-il. Et donc, pour en parler, je rejoins à Québec Cyril Béraud. Il est président de Savoir-faire Linux. Pardon, il n'est pas à Québec, il est à Paris. Bonjour, M. Béraud. Oui, bonjour, monsieur. Comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Je suis désolé de ne pas être avec vous ce matin. Je suis à Paris parce qu'il y a un grand salon, le grand salon des technologies open source et Linux qui se tient chaque année à Paris et c'est très important pour moi d'y être. Bien, même s'il y a beaucoup d'intérêts qui vous intéressent ici, là. Ah, absolument. Avec le procès, hein? Oui, ben alors, le procès est terminé. Le jugement a été mis en délibéré. On va attendre son jugement. Mais la question du logiciel libre dépasse de bien loin cette question de ce procès qui est une péripétie. On l'a écouté, votre invité de tout à l'heure parlait du système de santé, du dossier de santé numérique. 500 millions de dollars qui ont été dépensés dans ce dossier-là et rien ne sera livré. Bien. Donc c'est des millions, c'est des centaines de millions qui sont en jeu et qui permettraient de faire rentrer le Québec de plein pied dans le 21e siècle. Et en studio, j'ai avec moi Louis Martin, il est professeur d'informatique de l'UQAM, il est titulaire de la chaire de logiciels libres. Bonjour Louis Martin. Bonjour. Qui porte le nom d'un célèbre journaliste qui a marqué l'histoire de Radio-Canada. Et oui. Et donc, on va reparler à M. Béraud à Paris, mais Louis Martin, expliquez-moi ce qu'est un logiciel libre pour ceux qui ne sont pas des Bruno Guglielminetti là, et qui ne sont pas experts en informatique. Bon, alors, la comparaison qu'on peut faire, en voyant l'ordinateur comme un robot auquel on veut donner des instructions pour accomplir des choses. Donc, un programme, c'est la série d'instructions qu'on donne à un robot qui est l'ordinateur pour accomplir des choses. Ce programme-là, un logiciel libre, dans le fond, c'est une série d'instructions qui est faite par la communauté, des membres de la communauté, et qui donne à tous et chacun la liberté d'exécuter le programme pour tous les usages. Contrairement à certains programmes propriétaires où on est limité strictement dans les usages qu'on en fait par la licence, un logiciel libre, par définition, nous permet d'exécuter le programme pour tous les usages qui nous semblent bonnes d'un point de vue utilisateur. La deuxième liberté, c'est la liberté d'étudier le fonctionnement du programme. Donc, on a accès à ce qu'on appelle au code source, on a accès à ce qu'il y a... L'architecture. L'architecture et l'expression des instructions en langage des programmeurs. Et donc, on peut comprendre son fonctionnement, on peut l'étudier, on peut en voir les points forts, les points faibles, etc. Donc, la deuxième liberté, c'est la liberté d'étudier le fonctionnement du programme, ce qui suppose l'accès au code source. Mais les logiciels qu'on peut trouver comme ça et qui sont gratuits, c'est aussi bien les logiciels d'exploitation que des logiciels de traitement de texte, de comptabilité, par exemple. Absolument. Est-ce que tous les logiciels ont des équivalents gratuits et libres? Pas tout, mais une grande partie. Et ce mouvement-là s'amplifie constamment. Donc, à tous les secteurs de l'activité humaine où l'informatique peut aider, de plus en plus, il y a des logiciels libres qui apparaissent pour pouvoir permettre aux gens œuvrant dans ces secteurs-là de pouvoir bénéficier du logiciel Alors, libre. Alors, quelques exemples. OpenOffice, ça, c'est l'équivalent de Word voilà. pour le traitement de texte. Voilà. Linux, ça, c'est un logiciel Linux, d'exploitation. Voilà. Et Firefox, je pense, c'est peut-être le plus connu des logiciels c'est gratuits. C'est un furteur. Bon. Prenons, par exemple, dans le secteur universitaire. Ben, dans le secteur universitaire, je vais vous donner deux exemples. Au Québec, depuis 10 ans, les 6 grandes universités ont dû investir de l'ordre de 200 à 500 millions pour installer des logiciels propriétaires. Donc, chaque université a choisi, a fait une étude, etc. Et on a dû dépenser pas loin de 400-500 millions. Parce qu'il faut acheter un logiciel payant pour chacun des ordinateurs. Et voilà. Tandis qu'un logiciel libre, on va simplement dans un site et là, on peut le télécharger gratuitement. La même chose, il y a eu un mouvement aux États-Unis dans l'ouest du Canada où des universités se sont mis ensemble, ont dit on a des besoins de gestion. Donc, ils ont parti un projet open source, un projet à code libre qui s'appelle Qali. Et à ce moment-là, maintenant, il y a au-dessus de 20 universités qui y participent. L'avantage qu'il faut voir aussi, c'est que c'est un effet de levier. Si chaque université délègue 2 ou 3 personnes, ils sont 10 universités à travailler, pour l'équivalent de 3 personnes que vous investissez, vous avez l'output, le résultat du travail de 30 personnes. Et en même temps, on peut mettre à la disposition de la communauté, que ce soit pour des universités dans les pays en voie de développement, ces logiciels-là. Alors, c'est cette manière de penser-là maintenant qu'il faut aborder. Elle est développée aux États-Unis, elle est développée énormément en Europe. Et ici, au Québec, on semble avoir un genre de forme de résistance où les gens ont de la misère à penser en ces termes-là. Ouais. Cyril Béraud, vous êtes président d'une entreprise spécialisée en logiciels libres. Puisque les logiciels libres sont gratuits, quel est votre intérêt pour ces logiciels-là et quel argent vous avez à faire dans ce domaine-là? Oui, alors c'est tout à fait intéressant comme question. Juste pour compléter, et je vais revenir à votre question, quand on parle par les grands empires qui sont en train de se créer dans le monde, tout le monde connaît Google. Google, ça a été possible, c'est bâti avec des logiciels libres. La plupart des Québécois sont inscrits maintenant sur Facebook. Facebook, c'est du logiciel libre. Et il faut se rendre compte que les grandes richesses et la grande croissance économique actuellement se bâtit à partir de logiciels libres. Il y a une étude qui est sortie il y a quelques jours, qui a été reprise par la presse québécoise, 44% de croissance de l'économie du logiciel libre en Europe. Au Québec, on est obligé de subventionner l'industrie du logiciel pour qu'elle survive. Donc, il y a une vraie question. Alors, pour répondre précisément à votre question, l'économie du logiciel libre est une économie de service. On va prendre ces composants logiciels qu'on trouve sur Internet et qui sont effectivement disponibles gratuitement, et on va bâtir des systèmes d'information exactement adaptés aux besoins de nos clients. Ce qu'il faut faire de toute façon, même avec les logiciels payants, il faut les adapter aux besoins de chacune des entreprises ou de chacun des individus. Quand c'est possible. Ouais. Et donc, pourquoi vous avez poursuivi le gouvernement du Québec? Alors, ça concerne les conditions d'attribution des marchés publics. Si vous voulez, c'est que l'administration publique québécoise s'est habituée à utiliser un seul fournisseur et a commencé à attribuer directement des marchés sans passer par appel d'offres. Ce que l'on reproche là au gouvernement, à l'administration publique, c'est pas tant de ne pas avoir choisi de logiciel libre que de ne même pas avoir pu comparer les différentes solutions et évaluer la meilleure. Parce que si vous avez soumissionné, j'imagine qu'avec des frais de 0$ pour le logiciel, vous auriez remporté l'appel d'offres face à un Microsoft. Dans les pays où il y a des appels d'offres, effectivement, on connaît une très forte croissance et on aurait été très, très bien placé. Il y a un gros préjudice. L'économie, juste pour revenir sur votre question, l'économie du logiciel libre crée des emplois locaux. C'est aussi une deuxième qualité. Les entreprises, comme c'est une économie de services, à ce moment-là, on va créer des emplois locaux pour fournir les services à nos clients. Ouais. Donc, c'est un point très, très important. Donc, c'est d'abord des systèmes qui permettent de gérer des systèmes complexes comme ceux qu'on trouve sur Internet. Il faut se rendre compte que quand on clique sur Google Recherche, en quelques secondes, en quelques parties de secondes, on va obtenir un résultat. C'est un véritable miracle technologique qui se produit. Et ce miracle est possible grâce aux technologies en logiciel libre. Et quand vous êtes plaint au gouvernement, qu'est-ce qu'on vous a répondu? Ou alors, pendant le procès, qu'est-ce que le gouvernement a dit pour se défendre? Écoutez, moi, je m'excuse, je vais être très prudent là pour commenter le procès parce qu'il est en délibéré. On va voir ce qui va en sortir dans quelques semaines probablement. C'est certain que quand on va en cours, le grand paradoxe de cette requête en cours, c'est que le premier bénéficiaire, si on obtenait un jugement favorable, ça serait l'État lui-même. Il se retrouvait à devoir faire des appels d'offres, à mettre en compétition les différents fournisseurs, à obtenir les meilleurs prix et probablement les meilleures technologies. Mais le gouvernement disait quoi sans vous demander de commenter ce qu'ils ont dit? Mais ils ont dit quoi? Les logiciels traditionnels sont plus sûrs, on était plus rassurés d'aller avec les méthodes traditionnelles plutôt qu'avec les logiciels libres? Non, les logiciels libres ont prouvé leur capacité et leur efficacité depuis longtemps. Vous savez que ce sont des millions de fonctionnaires à travers le monde qui ont migré vers du logiciel libre. Là, je suis de Paris, en France, et la plupart des administrations publiques en France tournent maintenant à des solutions en logiciel libre, et notamment les applications critiques de l'administration. En Grande-Bretagne, c'est pareil, un grand plan pour utiliser des technologies open source a été développé. C'est le cas en Espagne, c'est le cas au Brésil, c'est le cas en Inde, c'est le cas en Russie, c'est le cas dans la plupart des pays du monde. Donc ce sont des solutions qui sont extrêmement efficaces, extrêmement économiques, qui créent des emplois locaux, qui favorisent l'innovation, et surtout qui ont un effet d'entraînement pour toute l'industrie. Le gros problème, c'est que l'État québécois est le premier employeur du Québec. Et à partir du moment où il choisit des technologies fermées, c'est l'ensemble de l'industrie qui est obligée de suivre derrière et qui prend du retard. Vous savez, quel que soit le secteur économique, la capacité à gérer des systèmes d'information complexes et qui changent tout le temps, c'est la clé pour aller chercher des gains de productivité. Ouais. On le sait maintenant, c'est dans les technologies de l'information qu'on va créer les nouvelles richesses du futur. Sur le... Et c'est richesses, j'aimerais vraiment le dire, c'est avec des valeurs qu'on crée des richesses. On ne crée pas des richesses en soi. Et les valeurs du logiciel libre, qui sont celles de liberté et de partage, permettent de créer d'énormes richesses pour le pays. Et sur l'appel d'offres de 700 000 $ qui a été attribué par la Régie des rentes du Québec, par le gouvernement, qu'est-ce que vous auriez pu économiser, quoi, 50%? Alors, il faut pas faire d'idéologie, il faut étudier chaque cas en particulier. Mais dans ce cas-là en particulier. Oui, mais justement, comme il n'y a pas eu d'appel d'offres, on connaît pas les besoins particuliers. Donc, c'est un petit peu difficile. Mais globalement, en général, on divise par deux les coûts d'exploitation. Il y a effectivement des coûts au début de changement, parce qu'effectivement, le changer, ça coûte de l'argent, c'est un investissement. Mais on s'aperçoit que sur 2-3 ans, ce sont des investissements extrêmement rentables. Je me tourne rapidement vers Louis Martin. Le type de procès intenté par Cyril Béraud, Monsieur Martin, est-ce que c'est fréquent? Est-ce qu'on a déjà vu une bataille comme celle-là? Est-ce que c'est une bataille qui se mène au Québec et qui aura des répercussions dans ses conclusions partout dans le monde? Bien, au niveau de la jurisprudence, peut-être, au niveau légal, c'est un peu différent d'un pays à l'autre, mais l'exemple donné où le type de problématique amenée par cette cause-là, pour moi, sont un des éléments qui vont faire avancer les choses d'une façon ou d'une autre, à court terme ou à moyen terme, nous l'espérons. Mais il n'y a jamais eu de procès d'entreprises comme celle de M. Béraud qui ont intenté des poursuites pour dire non, vous faites ailleurs dans le monde, ouais. Je ne suis pas au courant, moi, personnellement. Mais la conclusion du procès de Québec pourrait avoir des répercussions partout dans Définitivement. Le monde. Définitivement. Ouais. Est-ce que c'est suivi par des journalistes étrangers? Avez-vous vu des journalistes spécialisés en informatique assister au procès ou suivre de très près c'est de suivi ce procès-là? Au meilleur de ma connaissance, c'est suivi aux États-Unis, en Europe, énormément, et dans le reste du Canada aussi. Oui, écoutez, hier et avant-hier, j'ai reçu déjà des dizaines de demandes d'entrevues de journalistes. Et effectivement, c'est un problème. Le Québec, cette particulier, c'est que c'est un État qui est un petit peu faible. Et donc, la mainmise des multinationales est assez facile. Donc, c'est un dossier qui est suivi dans le monde entier parce que c'est un dossier. De nombreux États ont le même type de problème actuellement dans le monde. J'aimerais aussi. Monsieur Martin, il nous reste très peu de temps. En fait, il nous reste 30 secondes. Je veux simplement savoir, on attend la conclusion du procès. À quel moment? Je pense que c'est dans 2-3 mois que normalement, d'ici à l'automne, le verdict devrait sortir. Vous êtes optimiste, Cyril Béraud? Vous êtes défendu par Julius Gray? C'est quand même pas le dernier venu. Oui, je suis optimiste. C'est très important d'être optimiste. Bien, je vous remercie beaucoup tous les deux, Cyril Béraud qui nous parlait de Paris et les présidents de Savoir-Faire Linux et Louis Martin de professeur d'informatique à l'UQAM. Je vous remercie. Merci. On se retrouve Merci. Après les informations pour la suite de l'émission. En ce mercredi 17 mars, vous écoutez Christiane Charrette sans Christiane Charrette. Bienvenue à cette deuxième heure d'émission. Au microphone, Bernard Fauché, très heureux de vous avoir avec moi. Madame Charrette est absente aujourd'hui, elle devrait être là demain. Au menu de cette deuxième heure, on va commencer bien sûr avec Charles Théoret et Bruno Guglielminetti pour la fameuse question du jour relative à notre concours qui vous pourrait vous permettre de gagner un séjour à Berlin. Et puis ensuite, on accueillera avec grand plaisir Rufus Wainwright qui lance son 6e disque et qui sera en performance en direct à la radio. Il a répété pendant les nouvelles avec son piano et donc on est très heureux de l'accueillir. Et puis on terminera l'heure avec un grand gagnant, le grand gagnant de Canada Reads. Canada Reads, c'est l'équivalent au Canada anglais du combat des livres qui sera amorcé la semaine prochaine à cette émission. Mais donc, le réseau en l'aide de Radio-Canada, CBC, a procédé à son concours annuel qui s'est terminé vendredi dernier. Et effectivement, Nicolas Dickner s'en est tiré avec tous les honneurs pour son livre Nikolski, un livre qui remonte déjà à 2005, qui s'est mérité plusieurs prix, mais qui est encore beaucoup d'actualité, qui compte parmi les livres les plus populaires au Canada et qui est assuré, semble-t-il, d'un grand succès de librairie au Canada anglais après avoir gagné Canada Reads. Donc, un livre qui continue à vivre et à vivre très, très bien 5 ans après sa publication. Mais donc, c'est avec Bruno Guglielminetti et avec Charles-Alexandre Théoret qu'on commence cette deuxième heure pour la question habituelle qui nous permet d'aller, en excluant évidemment la personne qui parle, les employés de Radio-Canada n'y ont pas droit, mais qui pourrait permettre à un auditeur de pouvoir se rendre à Berlin. Bonjour, messieurs. Bonjour, Bernard. Bonjour, Bernard. Alors, est-ce que vous avez préparé une question? Moi, j'ai pas préparé de réponse. On va essayer, contrairement à Christiane, de ne pas vous donner la réponse à la question en ondes. Tu connais la réponse, tu sais pas la dire. Ben, je sais pas quelle est la question, alors je sais pas si je connais la réponse. Mais bon, on va essayer de faire un mur autour de la question de Berlin. Voilà. Il y avait un concept ici. Là. Passons. Alors hier, donc, on était dans Badaboum, Boum Boum. Oui, peut-être. Oui. Aujourd'hui, une question, on reçoit Rufus Wainwright, une question qui est un peu inspirée par Rufus Wainwright, qui connaît bien Berlin, qui s'est rendu là-bas en 2007 pour... chercher l'inspiration pour préparer son album Release the Stars, qui a été lancé justement en 2007. C'est également à Berlin que Rufus a composé la musique du spectacle Sonnet. C'est une pièce qui a été mise en scène par le metteur en scène Bob Wilson, qui est basée sur des sonnets de Shakespeare traduits en allemand, puis qui est interprétée par les comédiens d'une troupe très célèbre, le Berliner Ensemble. Ensemble, mais en allemand, je suis bon. L'ensemble berlinois. Donc, c'est le théâtre fondé à Berlin par nul autre que Bertolt Brecht en 1949, lui-même. Monsieur l'opéra de 4 sous qui, avec l'inflation doit être rendu au moins à 4 piastres. Voilà. Donc, le Berliner Ensemble occupe un théâtre, le théâtre Am Schiffenbauerdamm, où a lieu en 1928 la première d'une célèbre pièce de théâtre dont on ne devrait pas prononcer le nom maintenant. cette pièce-là, c'est l'œuvre maîtresse de Brecht. C'est un théâtre musical avec la musique de Kurt Weill. L'action se déroule à Soho, un quartier pauvre de Londres, puis on assiste à la compétition, une lutte de pouvoir entre le roi des mendiants, Jonathan Jeremiah Peachum, et un dangereux criminel, Mackey, le surineur. La pièce ouvre sur une chanson, je ne prononçais pas le nom allemand, je ne me risquerais pas, donc la complainte de Mackey, qui est devenu un air célèbre. On va peut-être écouter la version originale enregistrée par Bertolt Brecht en 1928. On a l'impression que c'est un ordre de barbarie qui chante derrière, qui joue derrière. Peut-être, c'est probablement ça, je n'ai pas vérifié. Donc, cette chanson-là est devenue un standard de jazz célèbre. Elle a été reprise en anglais, la version anglaise, c'est Mac the Knife par Louis Armstrong, Ella Fitzgerald. Il y a même d'autres Pierre versions. Lalonde l'a repris. Pierre Lalonde. Lalonde a chanté ça. On a fait ça. Un succès canadien à l'époque où il y avait son émission en CTV. Ah oui. Mac the Knife. Bon, ben écoute, il y a Marianne Faithfull aussi, Nick Cave, Sting, Frank Sinatra. Il y a aussi une version, celui peut-être qui a popularisé le plus la version anglaise, c'est Bobby Darin. Sa version a été numéro 1 aux États-Unis puis en Grande-Bretagne. Donc aujourd'hui, la question, c'est de quelle pièce de théâtre musical créée en 1928 à Berlin par Bertolt Brecht et le compositeur Kurt Weill est tirée la chanson « La complainte de Mackey », version qui est en anglais « Mac the Knife ». Un indice, il y a un théâtre à Montréal, situé sur l'avenue des Pins, fondé en 1955 par Paul Bissonneau, qui a un nom qui peut un peu rappeler le titre de cette pièce de Bertolt Brecht. Puis on a appris cette semaine que la prochaine saison du TNM, que ça allait être cette pièce-là qui allait ouvrir la prochaine saison du TNN. Ouais. C'est dans cette pièce-là aussi qu'on trouvait Obama, pas Obama, mais... Alabama Sound. Alabama Sound. Non, c'est pas dans cette pièce-là. Non, mais c'est du même auteur. Oui, c'est de Kurt Weill aussi. Mm. Qui avait été reprise notamment par Louis Forestier, mais par pas mal de monde aussi. Voilà. Alors, Si vous avez la bonne réponse et que vous avez trouvé l'indice, il s'agit de répondre. Il y a trois façons de participer au concours. D'une part, en mettant la main sur la dernière copie, la plus récente du magazine d'actualité qu'on trouve en kiosque présentement. Vous trouvez le coupon, vous le complétez, vous le mettez dans une enveloppe, vous l'envoyez à l'adresse qui est mentionnée sur le coupon. Ça, c'est pour la poste traditionnelle. La poste traditionnelle. Si vous avez accès à Internet, alors évidemment, c'est plus simple encore. Vous pouvez vous rendre sur le site de l'actualité.com ou sinon sur notre site radiocanada.ca/Christian. Christiane. Et là-dessus, vous allez trouver un lien vers le formulaire du concours du Combat des livres. Et puis, vous complétez le formulaire avec la bonne réponse d'aujourd'hui en mentionnant la date et vous l'envoyez. Et si vous êtes gagnant, gagnante, évidemment, c'est donc, comme vous le disiez, un voyage pour deux pour vous rendre à Berlin la semaine de votre choix. Un voyage qui comprend évidemment le transport jusqu'à Berlin. D'ailleurs, le partenaire, vous volerez sur les ailes d'Air France pour vous rendre. Alors, probablement que vous allez bifurquer à Paris, de là à Paris jusqu'à Berlin. Avec escale à Paris ou pas? Ouais, non, pas escale. Vous changez d'avion. D'accord. Rien n'est parfait. Non, mais le voyage, c'est à Berlin. Hein, oui. Merci. Par la suite, vous allez être hébergé pendant 6 nuits à l'hôtel Adlon, qui est vraiment chic hôtel. Pas piqué des verres, effectivement. Une fois sur place, on s'occupe de votre divertissement. Alors, il y a une soirée qui va se passer à ce fameux restaurant dont on parlait, où tout se passe dans le noir. Vous allez pouvoir visiter la ville de Berlin. Il y a un tour guidé qui va vous prendre, qui va vous faire faire le tour. Vous avez des laissez-passer pour les musées. Et on travaille aussi sur d'autres choses. Et puis aussi, comme vous le précisiez, hier, un exemplaire de la trilogie berlinoise, question de vous mettre dans le bain. Et puis, finalement, évidemment, les 5 livres en compétition avec le Combat des livres qu'on remettra à la personne qui va remporter ce prix. Donnez-moi donc justement les 5 livres et les 5 concurrents qui vont les défendre. Je vous laisse faire ça. Je vous laisse ça, monsieur. Charles? Oui, donc le Combat des livres commence la semaine prochaine, lundi. Donc cette année, Françoise David va défendre, la politicienne Françoise David va défendre l'énigme du retour de Dany Laferrière. Le politologue et auteur Christian Dufour qui défend le survenant de Germaine Guévremont. L'humoriste et chroniqueur Christopher Hall qui défend Cantique des plaines de Nancy Houston. Thomas Hellman, l'auteur, compositeur, interprète, lui, a lu L'homme invisible, The Invisible Man de Patrice Desbiens. Et puis, l'animatrice Marie-Soleil Michon qui défend un excellent livre, Comment devenir un ange de Jean Barbe. Ah, on dirait que vous avez un petit parti pris, vous, pour un livre plutôt qu'un autre. Non, je suis neutre. Et donc, Bruno, la même personne peut voter à la fois dans la version papier de l'actualité, dans la version électronique de l'actualité et dans la version électronique de notre site également. Et tout ça le même jour. Et avec, évidemment, bien sûr, la bonne réponse. Oui, bien, effectivement. Que je n'oserais pas glisser ici. Non. Mais que vous avez déjà glissé. Puis les gagnants, on parlait des activités que nos gagnants pourront faire. Ils pourront évidemment visiter le théâtre de Bertolt Brecht dont on a parlé. Ah, c'est vrai, mais oui. Est-ce qu'il y a des frais d'entrée de quelques sous ou pas, non? J'imagine, mais bon. Ah, mais Charles a des contacts. Oui, on verra. Ah, ce qu'on peut faire. Bon, très bien. Mais je vous remercie beaucoup, messieurs. Et soyez nombreux à participer à ce concours. Hein. Un séjour à Berlin, c'est jamais désagréable. Surtout au printemps, comme ça, puis à l'été. Ah, bien, c'est à eux de choisir leur semaine. Hein. Oui. Merci beaucoup, messieurs. Merci. À plus tard. Won't you walk me through the Ce qu'on vient d'entendre, c'est une chanson qui s'appelle Tiergarten. Et ça fait référence à quelque chose, qui est un parc, je pense, à Berlin. Bonjour, Rufus Wainwright. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Oui. C'est un très bel parc dans le centre de la ville de Berlin. Vous avez beaucoup fréquenté Berlin. Oui, je fréquente encore? Oui, je vais là-bas dans 2 jours. Ça veut dire que notre gagnant ne pourra pas vous voir à Berlin parce que là, le concours n'est pas encore terminé. Non. Ben écoutez, on vous donnera la date du séjour du gagnant du concours à Berlin. Peut-être que vous pourriez vous organiser un spectacle pour notre gagnant. No comment. Alors Rufus, on va vous parler un petit peu plus longuement, mais vous voulez d'abord interpréter votre chanson avec grand plaisir. C'est une chanson qui est tirée de votre nouveau disque que vous lancez dans quelques jours. Et donc, ce que vous allez nous jouer. Qu'est-ce que c'est? Présentez-nous la pièce que vous allez jouer. C'est la seule pièce en français du disque, je pense. C'est du nouveau disque et aussi de l'opéra que j'ai écrit qui s'appelle Prima Donna. Puis ça s'appelle Les feux d'artifice t'appellent. On vous écoute. OK, merci. Les feux d'artifice t'appellent, descends dans la rue. Les feux d'artifice

avec l'opéra, on n'a pas le droit de faire des fautes. Bon, oui, on a le droit. Mais de toute façon, c'est un peu votre histoire aussi. Quand on a assisté au spectacle que vous donniez avec votre mère, votre tante, avec Martha, il y avait un côté un peu... Ouais. Un peu oui, il va toujours avoir cet aspect dans mon carrière. C'est très relax et naturel. Ben, je pense que ça fait partie de ce qu'on apprécie de vous ouais, aussi. Oui, ça se peut. Oui, mais j'ai voulu beaucoup... je veux que ça soit parfait. J'ai tellement d'amour et de respect pour la musique que j'essaie tellement fort, et peut-être si j'étais un peu plus moins engagé, ça serait je ferais moins de fautes. Ben, je vais me permettre de citer Christiane Charette qui a déjà dit en parlant de son émission qui est évidemment diffusée en direct avec ce que ça a d'avantages et d'inconvénients. Elle avait dit c'est pas important que ce soit parfait direct, c'est important que ce soit vrai. Ouais, et je pense qu'on pourrait appliquer ça à vous aussi. Ouais, vos spectacles, c'est pas pas important que ce soit parfait. C'est important que vous, vous puissiez mettre votre âme sur la scène et la laisser découvrir à tout le monde. Oui, aussi, qu'est-ce qui est très important pour moi, en général, c'est que quand, you know, le personnage qui monte sur la scène ou, et puis après qui descend, c'est la même personne. Tu sais, je change pas aussitôt que je suis là devant les lumières. Je veux que ça soit une continuation de ma vie normale. Oui. Alors je vais essayer, c'est sûrement ça. Votre vie n'est pas toujours parfaite. Elle n'a pas toujours été. Non. Elle n'est pas parfaite, mais elle est assez beau quand même. Pas mal occupé, en tout cas, parce que là, en même temps, vous lancez un disque, un opéra, vous entreprenez une tournée de concerts. Ouais. Vous êtes un hyperactif, là, on dirait que le fait Et ça commence vraiment aujourd'hui, parce que cette semaine, ça sort, le disque. Alors, je vais, après ça, je vais aller à Londres pour monter l'opéra, puis qui serait à Londres le 12 avril. Puis après, le 13, j'ai le premier spectacle de cet nouvel album aussi, dans le même théâtre où on fait l'opéra. Alors, c'est tout un festival. Vous allez dormir sur place, finalement. Probablement. Alors, parlons-en de ce disque qui s'appelle All Days Are Nights, Songs for Lulu. Ouais. Alors, premièrement, qui est Lulu? Lulu, c'est pour moi c'est Louise Brooks de la film la comédienne de la film Pandora's Box. Mm-hmm. Mais c'est vraiment l'idée c'est que c'est un symbole, une sorte de déesse ou de diable, je sais pas, qui représente juste les forces sombres et dangereuses dans la vie, qui des fois on voit du coin de l'œil quand on essaie d'avoir une bonne vie saine et tout ça. Alors visuellement, votre disque, fantôme. Vous décrivez votre disque comme étant un peu sombre dans son contenu, la pochette l'est également. Ouais. J'imagine que c'est difficile de dissocier votre production des derniers mois avec les événements qui ont qui vous ont touché personnellement. Je fais référence bien sûr à la mort de votre mère Kate, qui a succombé en janvier à un cancer qu'elle a combattu pendant plusieurs mois. Plusieurs années. Trois ans. Et donc, j'ai lu dans le dossier que vous avez écrit, en tout cas, une bonne partie de l'opéra que vous allez présenter bientôt, pendant que vous étiez au chevet de votre mère. Donc, inspiré sans doute par les événements. Elle n'était pas malade pour 3 ans. Elle a eu des périodes très difficiles, mais la plupart du temps, elle a eu la chance de voyager avec moi et ma sœur. Et elle est venue à l'opéra en Angleterre quand ça aux premières à Manchester. Puis c'était une très belle période ces derniers 3 ans. Mais en disant ça, il y avait toujours l'ombre et qui nous chassait un peu du cancer. C'était pas facile. C'était intéressant. Mais j'imagine que c'était une période très intense, mais juste pour vous. Hein. Je disais dans les articles en préparant le dossier, il s'est passé plein de choses pendant les derniers mois de vie de votre mère. Oui. Alors, votre père est revenu dans le décor. Oui. Il y a eu une espèce de réconciliation, si on peut, entre le père et sa famille. Très subtile, mais très profonde. Ouais. Vous étiez enceint de quelques œuvres, notamment votre opéra. Vous en avez profité pour vous dépêcher parce que vous vouliez que votre mère voie votre opéra, ce qui a été le cas. Martha, votre sœur, était enceinte. Elle a accouché prématurément. Qui a permis sans doute à votre mère de voir son petit-fils. Oui. Si ma sœur avait eu son bébé au propre moment, ça aurait été au même moment que ma mère est morte. Alors c'était vraiment une... There is a God. Mais donc, c'est une période qui est triste quand on perd sa mère, surtout quand on connaît les liens que vous aviez avec votre mère. Mais en même temps, si on regarde ça un peu objectivement, ça a été une période intense, difficile, mais qui a été plein de gestes positifs. Il y a eu ça, mais je pense que plus que ça, on a vraiment eu à la fin, avec son condition. Un vrai, il y avait un vrai grâce qui nous ont soutenus. Puis aussi comme, parce que vraiment, elle avait du douleur, certainement. Elle avait de la malade. Elle était malade, mais c'était pas, je sais, j'en ai entendu tellement d'histoires horribles de qu'est-ce qui pourrait, what could have been, you know, mm-hmm. avec son passage. Et il y avait tout, elle avait toute sa famille autour d'elle. Elle était chez elle quand elle est morte. Elle n'était pas consciente vraiment quand ça arrivait. Alors, c'était comme dans sa, comme si elle était endormie. Alors, on était très chanceux d'avoir une passage si doux. Ouais. Pour elle. Généralement, des événements comme ceux-là, c'est des moments qu'on vit dans l'intimité avec ouais. ses proches. Bon, le fait que vous soyez une famille très publique, ouais. ça a fait en sorte aussi que ces événements-là ont été très publicisés. Ouais. Est-ce que c'est plus difficile à vivre quand on a l'œil du public qui nous surveille? Mmh. Pas de façon nécessairement péjorative ou voyeuse, mais... Ouais. Je sais pas. J'ai jamais eu une autre position que ça. Vous avez jamais eu de vie privée? Oui, ça fait toute ma vie que c'est comme ça. Alors, j'ai aucune idée. Mais en disant ça, oui, c'est difficile des fois. Mais moi, je considère que l'amour et le support que j'ai eu de la publique était une vraie force qui m'a aidé beaucoup et qui m'a vraiment soutenu durant ces temps-ci, ces temps-là. Alors, je sens très fortuné d'avoir cet amour-là. Alors, parlez-moi de votre disque, parce que vous avez publié parallèlement, vous avez préparé parallèlement à la fois le disque ouais. et l'opéra. Et dans votre disque, il y a des extraits de l'opéra ouais, aussi. Il y a un extrait, oui. Ouais. Alors, comment vous avez fait pour préparer deux œuvres parallèles qui n'ont rien à voir? J'ai préparé trois aussi, parce qu'il y avait aussi la pièce de théâtre avec Robert Wilson ouais. que j'ai fait à Berlin. Alors, il y avait trois pièces. Je ne sais pas, je travaille... pas trop, mais je travaille tout le temps. Et toi, c'est votre nouvelle drogue? Oui, on peut dire ça. Mais je sais pas. J'ai 36 ans maintenant et j'ai vraiment l'impression que c'est now or never, you know. Je suis dans I'm in my prime et il faut vraiment que j'exprime mes pensées et y a des gens qui veulent entendre alors ça marche. Mais si je faisais toutes ces choses puis il y avait pas de théâtre qui ont voulu faire la pièce ou pas de personne dans la salle, ça that would be a little weird. Ouais. Vous avez dédié votre disque à ma sœur Martha, oui, pourquoi? Oui, ma sœur Martha elle a aussitôt elle avait le bébé, puis aussi le disque de Piaf qu'elle a fini, et plein de choses. Elle s'est mariée aussi durant toute cette période. Alors, elle a vraiment eu beaucoup plus de situations interdisciplinaires avec la vie et les arts. Alors, elle m'a vraiment impressionné et elle, la façon qu'elle s'est soutenue, c'était formidable. Alors elle est mon idole. Vous vous êtes beaucoup rapprochés, Martha et vous, au ouais. cours des dernières années. Ouais. Est-ce que c'est directement lié à la maladie oui, de votre mère? Oui, je pense que j'ai vraiment rendu compte que cette période où les parents ils sont malades, c'est vraiment la période où votre frère ou sœur, c'est la personne la plus importante dans ta vie, parce que ce sont les seuls qui vraiment comprennent la douleur qu'on sent. Ouais, et parce que elle survit aussi oui, au-delà de oui, votre oui, mère, c'est un peu la continuité de votre oui, mère. C'est le moment pour les frères et sœurs. Elle est plus maternelle avec vous, avez-vous oui, dit oui, à propos de Martha? Oui, immédiatement. Oui, la chose qui est drôle, c'est qu'elle sur la surface, elle est plus maternelle. Elle dit je vais venir vous rechercher à l'aéroport, mais des fois elle devient Martha encore, puis elle est pas là. mais c'est bien quand même. Je veux pas que je veux que qu'elle reste Martha aussi. Bien. You know. Alors, il y a une chanson en français sur ce disque que vous venez de nous faire entendre, Les Feux d'artifice. Vous avez aussi enregistré, je pense que c'était sur votre disque précédent, une chanson de Gilles Vigneault, ouais, Quand vous mourrez ouais. de nos amours. Ouais. Je pense que vous avez enregistré aussi une autre chanson en français. Je chante aussi Les escaliers de la butte. Oui. C'est devenu votre marque de commerce d'avoir une chanson en français sur chaque disque? Ça dépend. C'est vraiment difficile. Ici, au Québec, ça va très bien pour moi. Mais en Europe, c'est l'Angleterre et l'Espagne et aussi la Scandinave, ça, c'est super. Mais et quand j'ai commencé, j'ai pensé, je vais faire des choses en français pour que peut-être la France m'adore. Mais ça n'a pas arrivé comme ça. C'est difficile. Je fais parce que je l'aime. Mais comment la compagnie de disques réagit quand vous leur dites « Je veux avoir une chanson en français sur un disque qui n'est pas destiné au marché québécois. » Ils vont adorer ça en France, puis ça n'arrive jamais comme ça. Mais les Français, tu sais. Mais pourtant, votre opéra qui s'appelle Prima Donna, au départ, c'est le maître qui s'était intéressé à votre création. Et quand vous leur avez dit « Je veux faire mon opéra en français », là, ils ont refroidi pas mal. Ils sont gelés complètement. Ils se sont retirés du projet complètement. Ils ont pas retiré. Moi, j'ai retiré parce que ils ont dit aussi. Moi, je voulais pas le faire en anglais. Alors j'ai dit, je vais quelque part d'autre. Mais pourquoi avoir voulu écrire cet opéra en français? Moi, j'aime pas tellement l'opéra en anglais en général. Pour moi, ça marche pas totalement. Vous parliez pas assez bien italien pour écrire en italien. À mon avis, il y en a aucune opéra en français qui n'a pas marché parce que c'était en français. Tandis qu'il y a plein d'opéras en anglais avec cette histoire. Ouais. Ça marche pas. On a l'impression que c'est un peu une mission que vous vous êtes donnée de sauver l'opéra ou en tout cas de le faire découvrir à une génération qui c'est n'est peut-être pas très entichée. C'est pas vraiment une mission, mais ça déroule comme ça. Et est-ce que ça marche? Ouais, je dirais que aux premières de l'opéra en Angleterre, disons deux tiers du public ont jamais allé à l'opéra qui ont venu voir le spectacle. Alors ça arrive naturellement. Donc, ça a été présenté déjà à Londres? À Manchester. En Angleterre? Oui, puis ça se passe à Londres en avril. Et quelle a été la réaction du public? Fantastique. Le public l'adorait. Les critiques, il y en avait qui étaient horribles, mais il y en avait d'autres qui étaient vraiment super. Le meilleur critique, et ça c'est pourquoi j'aime encore la France un peu, c'était Le Monde. Le Monde l'adorait, Le Monde, that paper. Ils ont vraiment aimé. Et maintenant, oui, on parle avec Paris encore. Ouais, mais donc, ça n'a pas fait l'unanimité. Il y a eu de bonnes critiques, de moins bonnes critiques. Vous vous y attendiez, j'imagine? Attendez quoi? D'avoir des critiques. Non, sûrement. Quand on présente une œuvre dans Le Monde classique, il y a toujours... C'est le monde critique. ça fait partie du jeu, vraiment. Et c'est pour ça que la musique est tellement... difficile et tellement, fort, parce que c'est fondé un peu sur cet aspect critique. Donc, vous avez monté un opéra que vous avez créé. Vous êtes un amateur d'opéra. Est-ce que c'est plus facile de créer son opéra ou ça aurait été plus simple de prendre un opéra déjà existant et de le revisiter, de le modifier, par exemple? Non, ça arrive pas, ça, dans ce monde-là. Non, il faut commencer avec... Le monde de soi-même. Et vous avez suffisamment aimé ça pour récidiver? On verra. Oui, j'aimerais beaucoup... Si c'est pas l'opéra, peut-être un musical, quelque chose comme ça. Mais surtout, j'aimerais beaucoup en continuer de faire des projets dans le monde du théâtre. Bien. Rufus Wainwright, je rappelle que votre nouveau disque s'appelle All Days Are Night, Songs for Lulu. Et c'est disponible à compter de mardi prochain, le 23 mars. Alors, ceux qui sont tombés en amour avec la pièce que vous avez entendue, armez-vous de patience. Vous ne pouvez pas acheter le disque avant mardi. Il n'y a pas de faute sur l'album. C'est dommage. C'est un spécial, oui, aujourd'hui. Et puis, votre opéra francophone de Prima Donna sera présenté à Toronto dans le cadre du Festival Luminato du 14 au 19 juin. Et puis, vous entreprenez le mois prochain, en avril, une tournée de spectacle en Angleterre. Et en Europe, oui. Et en Europe. Et votre opéra, donc, sera présenté là. J'ai joué aussi à Montréal. Et vous jouez à Montréal le 21 juin au Théâtre Saint-Denis. Et la veille, vous serez à la salle Albert Rousseau à Québec. Et les billets seront en vente à compter du 22 mars. Donc, lundi prochain pour les billets, mardi pour le disque. Et puis, mercredi, on prend une journée de congé pour écouter tout ça. Oui. Merci infiniment, Rufus. Merci. Et le mot de Cambronne pour ces multiples activités qui vont vous occuper dans les prochains mois. Merci. Vous reviendrez nous voir. C'est toujours un grand plaisir de vous recevoir. Et je suis sûr que Christiane est déçue de ne pas être ici ce matin pour ne pas être well devant soon. Vous. Merci infiniment, Rufus. OK. À très bientôt. J'ai devant moi la nouvelle vedette de la littérature au Canada anglais. Il s'appelle Nicolas Dickner. Est-ce qu'on devrait vous appeler Nicholas Dickner maintenant, Nicolas? Ils m'ont souvent posé la question. Vraiment, ça m'est différent. Ça semble les inquiéter beaucoup, savoir s'il faut le prononcer à la française ou à l'anglaise. Bien, vous avez l'avantage d'avoir un nom qui est facilement traduisible, c'est déjà ça. Alors, je dis que vous êtes la nouvelle vedette de la littérature au Canada anglais parce que vous avez gagné indirectement le concours Canada Reads, qui est un peu l'équivalent du combat des livres qu'on amorcera cette émission la semaine prochaine. Et donc, la radio de Radio-Canada au Canada anglais, CBC, mène le même combat chaque année, sauf que ça s'appelle Canada Reads. Et donc, la finale était vendredi dernier. C'est un peu le même modèle que le combat des livres, c'est-à-dire qu'une personne vient défendre un livre et un auteur, et les gens sont appelés à voter, et il y a un grand vainqueur qui est couronné. Et dans le cas de Nicolas Dickner, il était en nomination dans ce concours pour son livre Mikolski, qui remonte quand même à 2005. Vous faites une belle carrière avec ce livre-là, Nicolas. Oui, il a une belle vie. Il a une belle vie, en effet. Mais je crois que c'était le plus récent, en fait, de tous les livres. Il y avait même jusqu'à Generation X qui remonte à 1989, je crois. Alors, ils ont l'habitude de sortir des livres qui remontent un petit peu. Alors, vous étiez la jeunesse du concours. La jeunesse. Et donc, vous étiez défendu. Vous aviez un très bon plaideur pour votre cause. Il s'agit de Michel Vézina. Lui également écrivain, chroniqueur culturel et littéraire, directeur des éditions Coup de Tête. Bonjour. Coup de Tête, pardon. Bonjour, Michel Vézina. Bonjour. Qu'on entend souvent au micro de la première chaîne. Alors, vous aviez une lourde tâche de défendre le livre de Nicolas contre plein de bonzes du Canada anglais. Est-ce que ça a été difficile? Difficile? Ben, c'est toujours difficile, ce genre de truc-là, parce que, comment dire, effectivement, on se retrouve devant des œuvres qui sont majeures. On pense à Generation X ou à Fall on Your Knees, à Mary MacDonald, qui a été un livre qui a été vendu à... Et traduit. Donc, c'est quand même des gros morceaux. Et les deux autres, Good to a Fault et puis Jade Penny, même s'ils étaient des livres plus récents et peut-être un peu moins connus, étaient quand même d'excellents livres. Donc, quand on se retrouve dans un contexte comme ça, tout ce sur quoi on peut s'appuyer pour espérer tenir le plus longtemps. En fait, l'idée, c'est pour moi, au départ, c'était de tenir le plus longtemps pour parler de Mikolski le plus longtemps possible. Ouais. Bon, heureusement, on s'est rendu au bout. Et le troisième acteur de cette victoire du livre de Nicolas Dickner, il s'appelle Lazar Lederhandler. Est-ce que je prononce bien? Oui. Monsieur Lederhandler, vous êtes le traducteur. Vous êtes celui qui a pris le texte original de Nicolas Dickner, qui l'a traduit en anglais. Et c'est une étape qui est cruciale. Le livre original a beau être très bon, on a beau avoir un très bon plaideur pour défendre la cause, si la traduction est mauvaise, ça peut noyer toute l'opération. Tout à fait. Il faut que le livre s'insère correctement dans la littérature canadienne-anglaise. Et donc, il faut que ça soit... un beau livre. Et vous avez beaucoup traduit de livres du français à l'anglais. Quand même plusieurs, oui. Oui, c'est le premier Nicolas Dickner que vous traduisiez. Est-ce qu'il a été plus facile, moins facile que d'autres à traduire? Oh, chaque livre a ses difficultés. Dans Nicolski, ce qui était fascinant, c'est ce qui est toujours le plus difficile, je trouve, pour un traducteur, c'est de traduire ce qui n'est pas dit. Dans le sens qu'il faut partir de l'ensemble du livre et respecter toute la symbolique et toute la structure un peu cachée. Et c'est ce que je trouvais qui était assez saillant, si on veut, paradoxalement, dans Nicolski, c'est le non-dit. Par exemple, Je me rappelle d'un choix que j'avais à faire quand, à traduire l'an de grâce. Et en anglais, ça, normalement, on traduirait l'an de grâce par The Year of Our Lord. Sauf que dans Nikoski, il y a une absence totale, ce qui une de ses caractéristiques, une absence totale d'allusion religieuse. Alors, il fallait choisir d'autres choses qui rendaient plus la Et cette comment absence. Vous l'avez traduit, donc? The Year of Grace, qui est une autre possibilité en anglais. Mm-hmm. Oui. Nicolas Dickner, est-ce que j'imagine que vous aviez lu la traduction qu'avait fait M. Leder-Endler de votre livre? Est-ce que vous étiez satisfait de la façon dont il avait traduit, justement, comme il le dit, les non-dits? Ah oui, mais d'abord, je l'ai lu deux fois. J'ai vu deux versions et on en a discuté. On a même eu la chance, en fait, d'être ensemble à Banff pour une... Laser faisait une résidence de 3 semaines de traduction et puis je l'ai rejoint là pour une semaine. On a discuté de la traduction et je dois dire que pour ce qui est de la compréhension de tous les... Parce que Nikolsky, c'est un livre qui peut se lire comme ça d'une traite, mais en même temps, il y a plein de sous-entendus puis de souterrains du sens puis de choses cachées. Et Laser, très vite, je me suis aperçu que sans même que j'ai besoin de le guider... comprenait très bien tout ce qu'il y avait en dessous. Alors, j'ai vraiment senti qu'il y avait un respect de tout ça. Maintenant, dans le détail, je l'entends parler de sa traduction de l'an de grâce. Je trouve ça magnifique parce qu'on n'a pas parlé, évidemment, de... C'est une traduction, c'est des milliers d'heures de travail avec plein de détails. On n'a pas discuté de tout ça. Mais vous n'avez pas négocié chaque mot, là. Non, évidemment, non. Puis bon, Laser est un grand garçon qui fait, évidemment, très bien son travail. Il n'y a pas besoin de moi pour faire la traduction. Mais je sais que ce que j'ai eu l'occasion, ce que j'ai lu et ce dont on a discuté, ça me donnait parfaitement confiance, là. Nicolas, vos livres, en fait, ce livre-là, Nikolsky, a déjà été traduit dans plusieurs langues, en néerlandais, en anglais, en italien, en allemand. Est-ce que vous avez relu toutes les traductions en toutes les langues? J'aurais bien aimé. Non, même en allemand, j'ai pas assez de base en allemand pour le lire. J'aurais pu le faire avec la version en espagnol qui est pas encore, on n'a pas encore signé en espagnol. C'est apparemment un marché bien difficile à pénétrer. Ah bon, pourquoi? Plus que le marché anglais? Je sais pas pourquoi, mais on nous dit que l'Espagne est un marché très difficile, où c'est très difficile de vendre des droits étrangers. En tout cas, on essaie encore, mais pour l'instant, c'est pas fait. Pour le reste, je suis incapable. Et j'ai même pas parlé avec les traducteurs dans la plupart des cas. Je sais qu'en néerlandais, j'ai reçu une liste de questions, j'ai trouvé ça très amusant, mais la plupart du temps, les traducteurs se débrouillent sans nous. Quel genre de questions on vous posait? C'était des références québécoises, on vous demandait le contexte ou quoi? Ben, c'était pour mon livre suivant, c'était pour Tarmac, et il y avait des allusions assez... ancré dans la culture québécoise, des choses un peu ambiguës et rien ne me revient à l'esprit, mais des trucs un peu pointus. C'était assez amusant parce qu'évidemment, ils ont beau googler, mais ils n'ont pas toujours accès à toutes les subtilités de notre culture. Alors évidemment, ils sont obligés de spéculer. Parfois, le résultat est assez drôle. Alors, on est heureux qu'ils nous envoient leurs questions. Avez-vous un exemple? Non, en fait, je ne me souviens pas. Ça fait déjà 6 mois de ça. Et puis je ne me souviens plus vraiment. Je suis désolé. Il m'a envoyé une trentaine de questions. Maître Michel Vézina, grand plaideur devant l'ambassadeur devant la littérature. Qu'est-ce que vous avez utilisé comme argument pour défendre le livre de Nicolas Dickner et quel a été l'argument définitif qui vous a permis de gagner, à votre avis? Ben, en fait, au départ, moi, je suis arrivé là en étant plutôt confiant dans la mesure où j'avais beaucoup, beaucoup aimé le livre à sa première lecture en 2005 et aussi la traduction de Laser. Donc, j'arrivais là en défendant. Je savais que je défendais un livre qui était quand même un livre... entre guillemets, facile à défendre dans la mesure où c'est un livre qui est extrêmement bien écrit, c'est un livre que j'ai adoré, c'est un livre qui utilise des méthodes littéraires ou des chemins littéraires que j'aime et que je suis capable de défendre facilement. Mais au-delà du livre, vous pouvez avoir un très bon livre et perdre quand même. Oui, bien sûr. La cause que vous défendez, la façon dont vous la défendez, ça joue beaucoup. L'élément tournant, je pense, le point tournant de la défense, ça a été à un moment donné où on reprochait à Nikolsky, en fait les autres panélistes reprochait à Nikolsky d'être une structure un peu complexe. C'est pas une histoire linéaire, Nikolsky. On a 3 narrateurs, c'est des histoires de personnages qui s'entrecroisent. Et ça, c'était reproché au livre à un moment donné. On disait que c'était trop compliqué. Oui, trop complexe. Ben là, pour faire confiance au lecteur un peu, non? Mais dans les faits, dans un premier temps, c'était l'inverse. On disait que c'était... plusieurs commentaires étaient que c'était trop mince. Trop mince, effectivement. Il y avait un paradoxe là-dessus. Mais à un moment donné, le moment où je pense que ça a vraiment tourné, c'est quand j'ai sorti l'image d'une boîte de photos de famille. J'ai dit, si vous prenez une boîte de photos de famille et que vous mettez à regarder les photos de vos ancêtres ou de vos grands-parents, de vos arrière-grands-parents, ils sont pas obligés d'être dans l'ordre pour qu'on puisse se raconter l'histoire de la famille. C'est qu'une fois qu'on a regardé toutes les photos de la boîte, on est capable de reconstruire l'histoire nous-mêmes avec notre imaginaire. Qu'on a, le lecteur, moi en tant qu'auteur ou en tant qu'éditeur ou en tant que commentateur littéraire, je fais confiance au lecteur, c'est-à-dire que le lecteur a une imagination, et c'est ce qui est une des particularités de la littérature, si on la compare au cinéma ou à la télévision. L'image n'est pas donnée, l'image est créée par l'imaginaire du lecteur, qui est capable de décoder des signes qui sont peut-être pas nécessairement apparents. Les deux disaient tantôt que ce qui est important dans Nicolsi, c'est souvent, et dans beaucoup d'autres livres, c'est souvent les mots qui sont pas écrits. Moi, il y a un écrivain français, Hubert Mingarelli, que j'adore, qui m'avait déjà dit à un moment donné, Michel, tu sais très bien que les mots les plus importants dans un livre sont ceux qu'on enlève en tant qu'auteur. Et je pense qu'il a tout à fait raison. C'est l'imaginaire du lecteur. Au non-dit dont parlait voilà, Lazare tantôt. Le lecteur est une personne capable d'imaginer des choses qui ne sont pas nécessairement écrites. Et c'est ça qui fait la force d'un roman. C'est cette capacité que le romancier a de créer des images dans l'esprit du lecteur qui vont faire que tout d'un coup, le livre lui appartient. Et c'est ça que moi, j'essayais de défendre avec Nicolsi, comparativement aux autres livres qui étaient donnés, qui étaient proposés par les autres débatteurs de Canada Reads. Je considérais que Nicolsi faisait plus confiance à son lecteur que les autres, donnait plus à imaginer au lecteur que la plupart des autres livres qui étaient défendus, ce qui en faisait donc, à mon avis, un livre supérieur, un meilleur livre, un livre plus intéressant, un livre peut-être moins convenu que ce qui était proposé par les autres débatteurs. Est-ce que c'est plus difficile de défendre au Canada anglais un livre en français, bon, même s'il a été traduit, par un auteur qui n'est probablement pas très connu non plus au Canada anglais? C'est pas comme traduire Michel Tremblay, j'imagine, ou pour bien des anglophones, c'est quand même une référence parce qu'il est là depuis longtemps. Est-ce que vous étiez désavantagé ou avantagé parce que vous aviez un côté nouveauté et peut-être plus frais? Ben, au départ, on a dit dans les arcanes de CBC Toronto, on a dit que j'étais le cheval défavorisé, le wild horse. The dark horse. Celui qu'on attendait qui venait de nulle part. Moi, c'est un choix que j'ai fait quand on m'a proposé d'aller participer à Canada Reads. On m'a dit, bon, ben, propose-nous des titres de livres. Et donc, il y avait le critère, il fallait que ce soit un livre canadien-français, québécois, traduit en anglais et disponible donc sur le marché anglophone. Et je tenais, moi, dans mon esprit, il était hors de question, non pas parce que j'aime pas ces livres-là, mais je voulais pas aller défendre un vieux livre. Mm-hmm. Je veux dire, il se passe des choses au Québec en littérature à l'heure actuelle, dans la nouvelle génération des écrivains. Vous vouliez témoigner de ça. Importantes, et je voulais effectivement témoigner de ça. Donc, je cherchais un livre qui soit écrit par un jeune auteur, écrit ces 10 dernières années, et qui soit traduit en anglais, que je puisse défendre. La liste était assez courte dans la mesure où il n'y a pas tant que ça de livres québécois, surtout pas de livres de jeunes auteurs qui sont traduits en anglais et qui sont disponibles sur le marché. Il y en a de plus en plus, mais il n'y en a quand même pas des tonnes encore. Et Nicolsi m'est apparu comme un choix logique dans la mesure où, comme je disais tout à l'heure, quand ce livre-là est sorti en français, j'avais adoré, j'ai écrit là-dessus, j'ai fait de la radio sur ce livre-là. C'est un livre que je considère un livre très important de la première décennie du 21e siècle au Québec. Donc pour moi, c'était l'occasion non seulement de parler de Nicolsi, mais de parler de ce qui se passe aujourd'hui en littérature au Québec. Oui, je trouve ça vraiment super intéressant parce que depuis 2-3 ans, j'ai eu l'occasion d'aller dans plusieurs universités anglophones, aux États-Unis ou au Canada ou en anglais. Et je vois toujours passer les mêmes bibliographies. C'est toujours Anne Hébert, c'est toujours Marie Claire Blais, c'est toujours Jacques Godbout, Michel Tremblay. Tremblay, Poulain est pratiquement le plus récent. Mm-hmm. Et ce sont des bons livres, mais c'est toujours la même bibliographie. Et la plupart de ces titres-là remontent aux années 60, 70. Et je trouve qu'un ambassadeur, moi, il y a des gens dans mon entourage qui ont appelé Michel un ambassadeur du Québec, mais moi, je pense que c'est un ambassadeur de la nouvelle génération et c'est important qu'on amène ces titres-là et ces nouveaux auteurs-là sur cette place-là qui est en ce moment inoccupée. Si je peux ajouter quelque chose, à la fin, je crois, Michel, que le fait d'être inconnu a joué en sa faveur parce qu'il y a au moins une vote décisive une personne qui s'est basée sur le fait qu'elle se donnait comme mission de faire connaître des livres qui devaient être, qui méritaient d'être connus. Effectivement. Et que Nicolsi étant... Et aussi le fait que Nicolsi avait géographiquement couvrait le plus de territoire canadien. C'était assez rigolo comme l'aspect, l'aspect amusant du débat. Ah, vous saviez pas ça quand vous avez écrit le livre, que le côté géographique pourrait vous servir ça un jour? Ça a été d'ailleurs un des moments du débat où Gian Gomeschi, l'animateur, nous a demandé lequel des livres présentés, d'après vous, est le plus canadien. Alors, je vous avoue qu'à ce moment-là, j'ai perdu un peu l'équilibre parce que pour moi, Nikolski, même s'il se déroule sur l'entièreté du territoire, est beaucoup plus un livre nord-américain qu'un livre canadien. Et là, tout d'un coup, j'allais tout mettre pour défendre ça, mais bon. Et d'ailleurs, dans toute l'histoire de Canada Reads, qui roule depuis des années, c'est la troisième fois seulement qu'il y a un auteur francophone qui gagne. Et vous le disiez tantôt. Je crois que c'est la deuxième fois. Je pense qu'il y a eu un prochain épisode, défendu par Denise Bombardier par en 2003. Il y avait eu Jacques Poulin avec Volkswagen Blues aussi, qui avait été défendu par Rock Carrier en 2005, je pense. Mais effectivement, pour un jeune auteur, vous êtes une première. On dit que c'est un succès de librairie assuré en quelques secondes. Nicolas Dickner, est-ce que ça a changé votre vie déjà? Mais pas encore. Faudra voir comment... En fait, les prochaines semaines risquent d'être très excitantes. Maintenant, au-delà, c'est l'inconnu. Ils sont tous très, très, très... Ils sont extatiques chez Random House à Toronto. Les gens de la maison d'édition... Enfin, moi, je mesure pas à quel point c'est gros, mais eux, ils semblent mesurer. Ils semblent très, très excités. Un gros buzz autour de l'affaire. Très, très gros buzz. Maintenant, ce qui va être intéressant, c'est de voir si ça va perdurer. Parce qu'évidemment, la vague Canada Reads va durer plusieurs semaines. Comment est-ce que ça va être dans quelques mois, je ne le sais pas. Ça va être intéressant à suivre. Je vous remercie tous les trois. Nicolas Merci. Dickner, écrivain, Merci. Chroniqueur à l'hebdomadaire Voir. Vous êtes aussi blogueur. Et la nouvelle sensation littéraire du Canada anglais, Michel Vézina, écrivain, chroniqueur culturel, directeur des éditions Coup de tête. Et Lazer Leder-Endler, qui est traducteur, professeur d'anglais et de cinéma au Collège international des Marcelines de Montréal. Merci à tous les deux. On sera là demain avec Christiane. Merci de nous avoir accueillis dans vos oreilles.